pince son balcon pour attirer elle met des arpents sur son balcon pour attirer. J'étais sur Goldman. Son poste à la télévision. Mais les lapins se sont là. Retirez-moi.